rien suffira. On gardera le ciel qui vivra, verra. J'arrive en gamme, je m'arrache en beauté. Frère, on est côté, même boycotté. Qu'un fric, un riz, laisse passer les restars. C'est salive Keta, featuring Keta. Dès l'introduction, je vois que t'es mort dans le film. 2012, Lina, toujours pas de jeans slim. J'mange, j'mange, swag, ouais, par heure. Fais tourner l'électro, psst, taser. Funny, funny, baby, Maybach, baby. J'finirai comme John Lennon, non, non, let it be. Let it be, tu nous veux, mais le prix. T'as plus confiance en tes vrais frérots, fais le tri. Minimum 6 chiffres, réfléchis, moi j'agis. Funny, funny, babe, je suis venu, baby, baby, bitch. Plus rien ne paraît, craqué par le soleil. Je laisse ça derrière. Omar Sy, y'a du talent dans l'air. Numéro 1, voilà l'équipe de taré. Toi t'as plus de buzz comme Maria Carré. Galère à l'arrêt de bus, les autres se marrent. Funny funny babe, on les a mal barrés. Dès le début du couplet, je vois bien que t'es fan. Et je l'ai fait voyager, Amsterdam. Swag, swag, swag, swag. Funny funny pèse, mais 10 ans auparavant, funny ram. Casquette, snapback, jean cartonné. Tu veux gérer ce bord, dis-lui juste, tu me connais. Arrêtez le peur à MC Fallait. Ton rap sonne faux, Silicon Valley. Plus rien ne paraît, craqué par le soleil. On a pris des coups, on a pris des claques. Jante noire, vite noire, intérieur black. J'suis jamais parti donc y'aura pas de comeback. Swag, swag, swag, swag, swag. Pose la bouteille au coin, deep, laisse pas rentrer ses schlags. Swag, swag, swag, swag, swag. Depuis le terrain vague, traqué par le swag. Funny, ouais. Rien n'est pareil, traqué par le soleil.